de bleu dans la vie, être heureux, c'est vraiment tout ce que je veux. Du soleil toute l'année, pouvoir toujours planer, mettre des mains au panier, poser sous des palmiers. Je voudrais voyager au bout du monde, mais les seuls voyages que je fais c'est sous Dylan. Et dans ma tête le tonnerre gronde, alors je vagabonde comme James Bond en quête de bon. Je voudrais des ambiances différentes qu'à tirer la rigo. Rap français ça relèverait bien ton niveau. Écoute, ils sont tous rivaux, moi du rap français je suis le pivot. Je voudrais entendre ce son dans toutes les vagos, que tu bouges ta tête avec tes potes et ta go. Je voudrais tailler au casino, rappeler tout le magot. Toujours dépenser mon blé sans retenue, n'impala. Bien coté à l'argus, blend de bœuf à la bouche. J'voudrais ne plus entendre parler d'histoire louche. Lâcher mes jeux de gyro farouche, ne plus croiser les mêmes farouches. Et arrêter de glander, lâcher les journées télé, tarper, tasper. J'voudrais voyager du soleil toute l'année, ne pas me faner à 40 balais. Allez, allez. Je voudrais juste partir loin d'ici, vivre simplement une autre vie, esquiver le vide. Goûter notre liberté. Tu sais, je voudrais simplement m'évader. Écoute frère, on a ce qu'il faut pour tout changer. Et pour tout changer. Je voudrais qu'à ce jour, ma mère n'ait plus de soucis à se faire. Mais au fond elle sait toujours, je suis toujours dans les mêmes galères. Je ne dis pas que sans cesse je cours comme un vulgaire gangster. Les langues de vipère, je les repère, je les baisse sévère et je réitère. C'est la guerre, la galère, Bélex, si tu sais pas te taire. Voudrais-moi aussi ne plus m'en faire, arrêter de vivre avec le stress sans cesse. Qu'un matin les stups s'empressent de me péter, de m'apaguer. Je voudrais être un homme important, plein de thunes. Mais je suis qu'un homme important, plein de tirs. Je voudrais avoir des restos libres tous les soirs, mais je m'alimente à Lidl, tu peux me croire. Je voudrais enfin rendre ma mère fière pour de bon, que je ne lui cause plus de déception. Je voudrais tellement de choses qui font rêver, mais au fond on sait très peu peuvent nous arriver. Je voudrais juste planer, planer, planer. Je voudrais juste partir loin d'ici, vivre simplement une autre vie, esquiver le vide, goûter notre liberté. Tu sais, je voudrais simplement m'évader. Écoute frère, on a ce qu'il faut pour tout changer. Je répète, je répète, je voudrais un petit pet de bœuf dans la vie, être heureux, c'est vraiment tout ce que je veux. Du soleil toute l'année, pouvoir toujours planer, mettre des mains au panier, poser sous des palmiers. Je voudrais tellement tout ça, mais c'est réellement fou ça. Moi j'en suis toujours là, toujours au même point, avec les mêmes joints, les mêmes galériens. Je voudrais me retrouver loin, sur des plages de sable fin. Une île déserte serait parfaite, avec ma vie hyper frais. Des cocktails à siroter, des journées à rigoler, délirer. Je voudrais arrêter de stresser pour mon avenir, me demander ce que je vais faire pour vivre. Sans ça je rôde de taf en taf, malgré ça les phares s'échappent. Alors j'oublie mes rêves de Californie. Pour l'instant j'ai des yan-yan à aller fournir, une ou deux tasse à aller fourrer. Je voudrais juste partir loin d'ici, vivre simplement une autre vie, esquiver le vide, goûter notre liberté. Tu sais, je voudrais simplement